Quand j'ai rouvert les yeux, tout était sombre dans la chambre. J'entendais quelque part comme une sonnerie. J'ai voulu bouger, aïe la douleur dans l'épaule droite. Tout à coup me coupa le souffle. Une peur affreuse m'envahit et mon corps se couvrit de sueur. Toute ma mémoire me revint, le hold-up, la fuite, les copains qui se font descendre. Je suis blessé mais je fonce et j'ai le fric. Je glissais la main sous l'oreiller, la mallette pleine de billets était là bien sage. 200 briques, somme toute ça pouvait aller. Mon esprit se mit à cavaler sur et ma planque chez Suzy. Et bientôt à nous de la belle vie. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie. Une radio s'est mise à déverser, un air de piano a tout cassé. Je connaissais ce truc, c'était le Blue Rondo à la Turtelle. Boubette jouait comme un fou, aussi vite que moi mettant les bouts. Soudain la sonnerie du téléphone, mon cœur fit un bond. Je pris le récepteur, allô c'est Suzy, ça fait deux fois que j'appelle. Qu'est-ce qu'il y a, y'a un garde flic au coin de la rue. Je restais sans voix, j'étais foutu, il faut que tu filmes, me dit-elle. Descends pas, sauve-toi par les doigts. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Encore les flics, vite le fric. Et puis l'escalier de service, 4 à 4, 1, 20, 6. C'était ouvert sur les étoiles et me revoilà faisant la malle parmi les antennes de télé. Ce pognon je ne l'aurais pas volé 30 mètres plus bas dans la rue du Colise. C'était la cohue. J'en peux plus, j'en peux plus. J'ai couru comme dans un rêve le long des cheminées. Ah le temps, la mallette à la main, je vacillais. Sur un toit s'amorçait un escalier d'incendie. S'enfonçant tout au fond d'une cour, je descendis jusqu'en bas. Et me voici à trois pas d'une sortie sur la rue. Quelle rue je ne le savais plus, mais tant pis je suis sorti. Et tout de suite je les ai vus, quatre flics au bout de la rue. Pas de panique, j'ai reconnu le bar du living, j'y suis entré. La boîte était pleine comme un œuf, deux ou trois jazzmen faisaient le bœuf. Je brûlais de fièvre, je voyais les murs, les bouteilles qui tournaient. Puis quelqu'un m'a saisi par le bras, je me retournais. Suzy était là toute pâle, elle me souriait. De nouveau le soleil a brillé. Dans un souffle, elle m'a dit viens, j'ai la voiture tout près d'ici. Nous sommes sortis, mais devant moi un poulet a crié ne bouge pas. Avec la mallette, je l'ai frappé, alors le coup de feu a claqué. Me clouant sur place. Oh Suzy, t'en fais pas, je te suis, on y va. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie,